si je sautais du haut d'un pont. Mais l'envie de revoir la lune me fait revenir à la raison. De toute façon c'est éphémère la une, et j'aime trop cette vie au fond. Nocturne, il me sourit ce soir, la lune brille, et ça me suffit pour croire.